L'autre par Édouard Cadol. M. d'Hardicourt, n'ayant pu être militaire, se donna du moins la satisfaction d'élever son fils militairement. Dès le bas âge, celui-ci, Octave, fut plié, sinon soumis, à une discipline stricte. Aussi, dès que le jeune homme se sentit de la barre au menton, il fila nécessairement comme un petit lapin. M. d'Hardicourt en éprouva une surprise extrême, un chagrin profond, mais il se montra plus encore froissé que peiné. De la meilleure foi du monde, il se croyait le maître des destinées de son enfant, dont la fuite lui parut un manque de respect et qui plus est, un crime, crime de pure et simple désertion. Et il s'indigna de ce que la loi ne l'autorisait pas du tout à se faire amener Octave de brigade en brigade par la gendarmerie départementale. Aussi, quand son fils désolé lui écrivit à distance qu'il l'aimait de tout son cœur, qu'il le vénérait, et le suppliait de lui accorder la permission de vivre sa propre vie, en revenant sur le toit paternel, M. d'Hardicourt retourna la lettre sans l'ouvrir. Si Mme d'Hardicourt eût été là, peut-être eût-elle attendri son mari. Par malheur, il l'avait perdu depuis longtemps. Et le veuf dit « Je n'ai plus de fils ». Il le disait sèchement, d'un ton rogue, mais quand il était seul, il pleurait perdument cette Octave que, pour l'aimer mal, il l'aimait tant. Or, à 2 kilomètres d'Ailly-sur-Noye, il y avait une propriété qu'on appelait le château de Beauvilliers. L'habitation, une grande bicoque, autour, un parc étendu. Ça avait été la dot de Mademoiselle de Beauvilliers quand elle épousa M. d'Hardicourt. Là, elle était morte, quelques années après avoir donné le jour à Octave. Là, celui-ci avait poussé, grandi, puis le veuf était allé s'établir en Bourgogne dans le bien que lui laissait son père. Beauvilliers fut fermé. De temps en temps, les femmes de la ferme, qui fait partie de ce domaine, venaient aérer, balayer, épousseter. Quant au parc, personne ne s'en occupait, tout y poussait à son plaisir, et le menu gibier, comme les oiseaux, s'y ébattait en toute sécurité de fantaisie. Depuis une douzaine d'années, on n'avait rien appris des d'Hardicourt ni des Beauvilliers. Un jour, il se répandait en ville et dans la campagne que M. Octave était revenu. Quand, comment, on ne savait. L'avait-on vu ? Personne. Mais on avait aperçu de la lumière aux fenêtres. Mais chaque matin, un grand garçon à mine joviale, conduisant une légère carriole, venait aux provisions en ville après avoir passé chez le pharmacien. Mais encore, un médecin, Damien, descendait chaque jour du train et se rendait au château dans une voiture louée à Ailly à cet effet. Jamais M. Octave ne s'est si bien porté, répondait le garçon à mine joviale quand on le questionnait. Il y a tout de même quelqu'un de malade au château. « Effectivement. Ce n'est pas M. d'Hardicourt, j'espère. Rassurez-vous, M. d'Hardicourt n'est pas à Beauvilliers. Alors, serviteur de tout mon cœur. » Sur le surplus, le garçon à mine joviale en répondait moins que n'eût fait une carpe. Si bien que les gens judicieux du pays, en ayant mûrement réfléchi, conclurent, non sans de bonnes raisons, qu'il y avait quelque chose là-dessous. Bon, mais quoi? Depuis 2 mois passés que cela durait, on n'en savait ni plus ni moins. Un matin, Octave, seul, à la trop grande table de la vaste salle à manger du château, avalait de fort bon appétit le déjeuner quelconque que le garçon à mine joviale lui avait cuisiné tant bien que mal, et comme celui-ci s'excusait de son insuffisance. « Certes, fit gaiement le jeune homme, le fourneau n'est pas ta vocation, mon pauvre Laurent, mais je ne te sais pas moins beau gré de tes efforts. Et puis nous n'en avons plus que pour une quinzaine. » Ce délai passé, le médecin nous permettra de nous échapper de cette triste maison, où tant d'appréhensions nous ont assaillis. Nous irons en Italie, Laurent, et le climat achèvera de... » Octave s'interrompit en voyant son domestique se diriger avec précaution vers une petite porte à laquelle il écouta un moment. « Non, fit Laurent, j'avais cru entendre appeler. » Il revint et on allait reprendre la conversation quand Octave, attirant à lui différents papiers sous bande, apporté le matin par le facteur, poussa une exclamation et blêmit. « Mais, dit-il consterné, voilà une lettre. D'où vient-elle? Qui m'écrit? On sait donc que je suis ici? Ah, mon Dieu, pour sûr, il y a un malheur là-dedans. » « Rendons-la au facteur, répliqua Laurent, tout aussi troublé. Plus moyen, Octave l'avait ouverte et blêmissant encore. « Tout est perdu, s'écria-t-il. Laurent, fais les mal. Nous partons immédiatement. » « Cette lettre est de mon oncle. il a pris ma présence par le sous-préfet. Peut-être devancerai-je ma lettre, me dit-il. Pas un moment à perdre. Et les 15 jours de présence qu'exigeait encore le médecin? On allait y repenser, peut-être, quand un coup de cloche à la grille pétrifia le jeune homme et son domestique. « C'est lui !» dit tout bas Laurent en regardant par la fenêtre. Il est descendu de voiture, une jeune personne l'accompagne. Octave tressauta, vraiment affolé. « Une jeune personne ? » répéta-t-il. « J'y suis, sa filleule, c'est Madeleine. »« Mais c'est impossible, ils ne peuvent pas entrer ici, ils... » La cloche tinta de nouveau, et de telle façon que le sang-froid revint au jeune homme. Il ne pouvait laisser son oncle, le frère de sa mère, à la porte. Il se résolut. « Je vais leur ouvrir, » dit-il, « et je leur démontrerai l'impossibilité de les recevoir. Quant à toi, Laurent ?» Du regard, il lui indiquait la petite porte où celui-ci avait écouté. « Compris, » fit le garçon à mine joviale. « Monsieur peut être tranquille. » Il alla à la porte, l'ouvrit, passa, et l'on entendit qu'il fermait à double tour. « Eh ! À la guerre comme à la guerre !» dit M. de Beauvilliers, en répondant aux déclarations de son neveu Octave. « Je pensais bien que tu n'as pas maison montée. Eh bien, on prendra des serviteurs haïs, et Madeleine, qui s'y entend, aura bientôt fait d'organiser le service. » « Ah ça, il pensait donc se fixer là ?»« 2 ou 3 mois, oui, ma foi. L'oncle Beauvilliers pouvait bien ajouter tout ce qu'il voudrait. » En pure perte, Octave ne l'entendait plus, ne sachant à quel saint se vouer, tenté de se cogner la tête sur les murs, poursuivi d'une seule pensée. Comment les renvoyer ? Cependant, entendant prononcer le nom de son père, il dressa l'oreille. « Vois-tu, mon cher garçon, disait l'oncle, les 7 ans qui se sont écoulés depuis ton départ ont fait réfléchir le pauvre homme. Madeleine et moi, nous l'y avons aidé, en nous rapprochant de lui, en l'entourant de nos soins. Peu à peu, il a admis que tu sois un homme à présent, que tu aies conquis ton libre arbitre. Le délaissement absolu eut abrégé ses jours. Ma filleule et moi, nous avons fini par habiter avec lui, et la chère gamine a peu à peu triomphé de ses dernières résistances. Lui, si inflexible autrefois, il affaiblit tout à coup, sous les caresses de cet enfant, et fondant larmes, il lui donnait gain de cause. « Va, a-t-il dit en l'embrassant, va trouver mon fils avec ton parrain. Dis-lui que je suis vieux, que je suis seul, que le passé est effacé, et qu'à aucun moment je n'ai cessé de l'aimer. Va, Madeleine, sa place est restée tout entière dans ma maison et dans mon cœur. « Partez tous deux. Dites-lui que je ne puis mourir sans l'avoir pressé dans mes bras, que lui seul a le droit de me fermer les yeux, et que ma dernière heure sera paisible, si je sens ma main dans la sienne. Va, Madeleine, ramène-le-moi. » Suffoqué, Octave oubliait tout, n'ayant qu'un mot aux lèvres, « Partons. » Quand, le prenant à part, l'oncle ajouta, « C'est Madeleine qui accomplit ce miracle. » Si heureuse par là de céder aux sentiments que tu lui inspirais dès l'enfance, alors qu'orpheline, elle fut recueillie par ma pauvre chère sœur, ta mère. Aussi, mon garçon, l'ai-je préparé de longue date à la mission qui l'enchantait. Et dès le retour là-bas, tu vas te faire le plaisir de l'épouser, afin que ton père ait une raison de plus de l'appeler sa fille. Le jeune homme sentit la terre s'effondrer sous lui. Son cerveau se brouilla sous l'acuité d'une douleur non encore ressentie. Inerte et muet, il restait abîmé. La joie, pensait Beauvilliers. Non, Octave, stupéfié, se disait. Épouser Madeleine, eh bien, et l'autre? Durant ce temps, la jeune fille parcourait la maison pour se rendre compte des besoins immédiats et demander ensuite le monde nécessaire. Si enfant qu'elle fût quand on l'y avait recueillie, de touchants souvenirs lui revenaient en mémoire. Cependant, il n'y avait pas à s'y attarder. Quantité de portes étaient closes, il lui en fallait les clés, et elle chercha Octave afin de les lui demander. Elle le trouva d'autant plus aisément qu'il la cherchait de son côté. Que se dit-il entre eux, on ne sait. Ce qu'il y a de certain, c'est que peu d'instants après, Madeleine vint à son parrain, les traits bouleversés, quelque effort qu'elle fit pour paraître dégagée, et lui dit « Nous ne pouvons rester ici. Allons-nous-en tout de suite. Pourquoi ?»« Ah ! Pourquoi ? Est-ce qu'elle en savait quelque chose ? Rester ne se pouvait pas. Voilà tout ce qu'elle avait appris, tout ce qu'Octave lui avait dit. » Et comme Beauvilliers insistait, faisant allusion au mariage, l'enfant eut un petit sourire navré, et les yeux débordant de larmes, elle murmura. « Il ne veut pas de moi. »« Ah, mais, continua-t-elle vivement, ne lui dites rien. C'est en pleurant qu'il m'a supplié de nous en aller. Ah, parrain, qu'il avait de chagrin! C'est qu'il songeait à son père, et je lui ai promis de dire à M. d'Hardicourt que c'est moi qui refuse, qu'Octave ne me plaît pas, que... Tu es absurde, ma chère petite, interrompit Beauvilliers. On te connaît trop pour admettre un moment qu'au cas même où mon neveu te déplairait. En effet, tu hésites à sacrifier tes préférences. C'est absurde, je te dis. Mais Octave a beau pleurer, les choses ne peuvent se passer ainsi. Il nous faut une explication à fond, et je vais le mettre en demeure de nous la donner telle qu'il nous la doit. Madeleine savait bien que le jeune homme redoutait cette explication. Aussi suppliait-elle son parrain de ne rien demander. Elle voulait quitter la maison dans le moment même, selon le suprême désir qu'Octave lui en avait exprimé à plusieurs reprises, promettant de s'excuser par lettre, de démontrer à son père et à eux que le cher projet d'union qu'il déclinait l'amour dans l'âme et qu'il eût enchanté, comblé de joie en d'autres circonstances, était matériellement irréalisable. Éloquence perdue, comme on pense. Sans plus discuter, le brave homme entraîna sa filleule, répétant « Non, je ne puis croire qu'il soit devenu ingrat. Il y a quelque chose là-dessous. Et coûte que coûte, je ne m'en irai pas sans en avoir le cœur net. Que dirions-nous à son père au retour ? Ce serait à ne pas oser revoir le malheureux homme. Viens, Madeleine, il s'expliquera ou j'y perdrai mon nom. » Comme il revenait à la salle à manger, ils surprirent Octave refermant vivement la petite porte dont nous avons déjà parlé. Il paraissait inquiet, mais Beauvilliers n'y prit pas garde. « Asseyons-nous, » dit-il péremptoirement, « et fais appel au sentiment que tu nous dois. Quoi qu'il puisse t'en coûter, j'exige que tout soit tiré au clair. Si tu nous mets à la porte, ne proteste pas, le fait est là. Si tu prétends que ton mariage avec Madeleine est matériellement irréalisable, c'est qu'il y a une raison. Laquelle ? Bonne ou médiocre, dis-la. Je te l'ordonne au nom de ta mère. » Il n'y avait pas à tergiverser, Octave le sentit. Pourtant, avouer la vérité était au-dessus de ses forces. Il se résolut donc à les payer d'un prétexte plausible qu'il s'efforça d'imaginer. Il se dit ruiné, endetté. L'oncle haussa les épaules. Madeleine avait assez pour deux. Et depuis quand s'arrêtait-on à des questions d'argent chez les d'Hardicourt et les Beauvilliers ? Qu'il plaça sa délicatesse ailleurs. Le devoir envers son père, voilà ce qui devait l'occuper. Soit. Ce devoir Octave le remplirait, mais un peu plus tard. Car pour établir sa fortune, il s'était, dit-il, engagé dans une entreprise colossale. Il allait partir. Demain, il s'embarquerait au Havre à destination de New York. Et ne le croyait pas arrivé. Ah bien oui, en 8 jours de chemin de fer, il toucha à San Francisco, remonta à bord, cinglant vers Yokohama. Encore un peu, le voilà en route pour la Lune. Pour ce que ça lui coûtait. Depuis un moment, il dévidait son chapelet de sources. Plus d'objection de l'oncle qui, comme Madeleine, montrait un étonnement singulier. Et Octave se disait « Sa mort, courage !» Seulement, dans le feu de l'improvisation, il n'avait pas entendu que la fameuse petite porte s'était brusquement ouverte derrière lui. Une fillette de 4 ou 5 ans avait fait irruption et, apercevant des étrangers, elle s'était glissée, timide, derrière le fauteuil du jeune homme. Maintenant, remise un peu, elle gagnait le long dans des bras et sa petite main amaigrie tirait la manche d'Octave. Il s'en dégagea une première fois sans se distraire de sa harangue. Mais, à la seconde, il devint cramoisi et resta court. « Papa, » dit l'enfant, avec une petite moue, « c'est Laurent qui ne veut pas me laisser jouer. » Le jeune homme prit d'un sanglot, entoura la petite de ses bras en la plantant sur son genou, puis l'ayant embrassée. « Je mentais, » dit-il à son oncle. « La raison de ma conduite, la voilà. Vous le voyez. Cet enfant achève son deuil. Elle n'a que moi au monde. Puis-je l'exposer à être repoussé ?» Spontanément, Madeleine approcha, et de sa voix la plus douce, « Veux-tu que je sois ta maman ?» demanda-t-elle à l'enfant. La petite la regarda un moment et montra Octave. « Dame, » fit-elle, « Sylve ?» C'était L'autre par Édouard Cadol.